100% rap français, planète rap. La nocturne. Et c'est donc parti pour la nocturne, Jarod. Comment va? On est là, et toi Fred? Ça va, en pleine forme? Ouais, super. Bon, le projet est sorti quand? Il y a une semaine maintenant? Ouais, il y a une semaine, vendredi dernier, le 6 mai. Et un projet qui s'appelle Caméléon. Caméléon, comme donc, toi. Voilà, et donc je dis 6 mai à tous ceux qui sont allés l'acheter. On a eu notre première semaine, on a fait un bon petit score, on est hyper contents. Oui, ça se passe bien. Ouais, ça se passe super bien. Donc, surtout dans cette période où c'est dur de vendre des disques, on s'en sort bien. Et donc je remercie vraiment tous les gens qui sont partis l'acheter. Et puis bon, c'est pas fini, hein. Les prochaines semaines, ceux qui ne l'ont pas encore, vous pouvez l'avoir sur iTunes, sur Google Play. Vous pouvez l'acheter dans les Fnac, les Leclerc et les Cultura. Bon, tout va bien donc. Ça flingue. Il y a du monde avec toi aussi. Ouais, on a ramené un peu de monde. Bon, c'est la nuit, donc on n'a pas pu ramener tout le monde, mais on a ramené un peu de monde. Une petite partie, ouais. Ouais, en tout cas, ceux qu'on a ramenés, on les a bien choisis. Je suis content de t'avoir en tout cas dans la nocturne 100% rap français, Jarod, avec nous. Merci de me recevoir, vraiment Fred, non, tu déchires depuis le début, t'inquiète pas, je te porte dans mon cœur, tu le sais très bien, parce que t'es un des seuls qui nous diffuse, et assez régulièrement, tu vois ou pas, tu te prends pas la tête. T'étais venu, je me souviens, en studio, oui, pour écouter le dernier projet. Pas très loin de la radio d'ailleurs. Voilà, le projet d'avant, t'étais venu, et non, franchement, merci pour ton soutien, vraiment. En tout cas, Jarod, voilà, c'est un super mec, il kick, il envoie. Il est chaud, pas de prise de tête avec personne, bon esprit en tout cas. Voilà, non, ouais, on essaye, il faut, ouais. Parce que c'est un peu nul des fois, et on essaie de ramener un peu de positivité dans le truc, tu vois. On veut l'album Caméléon, si je peux le présenter, oui, c'est un oui, peu ça, présente tu vois. Un petit peu, oui, justement, ouais. En fait, cet album, on va dire que c'est un album très décomplexé, très simple, pour avec plein de sonorités différentes, c'est-à-dire qu'il y a des sons électro, il y a des sons un peu pop rock, il y a des sons très old school, il y a des sons trap, il y a carrément un son West Coast. Enfin, ouais, c'est un album Caméléon, c'est un album pour les gens qui sont capables d'écouter toutes sortes de musiques, tu vois, qui ont pas de barrières. C'est pas que du hip-hop pur en fait. Et puis en dehors de ça, il y a un truc qui est très marrant pour ceux qui l'achètent en physique quand même. Il ouais, faut le dire. Alors, parce qu'il y a évidemment les téléchargements légaux, mais il y a le physique aussi. Ouais, bien sûr. Et c'est ça qui a fait la différence. Ouais. Je pense on a fait une pochette que personne n'a jamais fait avant nous, c'est-à-dire une pochette où c'est un miroir, oui, où tu te vois dedans, toi en tant que caméléon, en fait, tu te vois dans le CD, parce que le CD au final c'est ton CD, tu vois. C'est... Si tu l'achètes celui-là, c'est que t'es un caméléon, parce que je suis pas un mec dans la tendance, je suis pas forcément le mec que tout le monde va acheter, mais... Tu vois, j'ai un petit public de gens qui sont comme moi et qui sont assez ouverts d'esprit. Oui. Et donc, j'ai voulu leur faire ce cadeau, c'est-à-dire qu'en gros, voilà, le miroir, tu te vois, c'est ton album. Et on peut t'envoyer la photo, non? On peut t'envoyer, ouais, voilà, directement, ouais. Vous pouvez envoyer ça sur nos réseaux. Envoyez ça sur vos réseaux ou bien sur. Il y a une adresse mail express, Jarod, contact photo vidéo. T'inquiète, on va la retrouver. Voilà, Jarod, contact photo vidéo, @gmail.com. Et vous envoyez vos photos avec votre tête dans le miroir, dans l'album, en fait. Et on publiera ça sur nos réseaux. Et puis voilà. Coup d'envoi de cette nocturne, non? Ouais, voilà, on passe le coup d'envoi, on va faire écouter 2-3 titres. Et building d'abord. Ouais. Allez, c'est parti. La nocturne, Jarod, un grand plaisir de le recevoir. Caméléon est dans les bacs. Coup d'envoi. Planète rap, 100% explicit lyrics. Cette scène, rien ne change, Gava. Vrai reconnaissent vrai. Check. Je suis rallié à mes pères, t'es un perdant. C'est pas nouveau qu'ils se font une retraite en Uberlan. Gava, lis ton putain de contrat avant de le signer. Gava, j'ai en tête ton place, tu voulais me saigner. Je suis pas de ceux qui payent pas, je suis pas de ceux qui mentent. Ça fait longtemps, mon frère, sers-nous de thé à la menthe. Tu parles, t'as fait les trucs bien, t'as fait les trucs propres. Je suis grillé à la banque, je suis toujours dans le hip-hop. Je pense que j'irai au bout, y'a que la marque qui dit stop. Eux, ils sont encore là à se porter les pour une clope. Wesh, mon pote, t'encules ton pote. T'as l'impression de pas être un bâtard, t'as fini dans le top. J'ai ce qu'ils me veulent, ils veulent mon truc. Mais mon truc c'est le mien, pur tu l'auras dans le huc. Gava, je viens dans ton hôtel, j'ai encore des thunes, ça va. Je t'ai tendu la main, tu m'as arraché le bras. C'est là où tout le monde, j'espère m'en sortir. Ils ont connu tant de failles, ils sont bons qu'à nous mentir. J'ai peur de faire tous ces allées pour rien, mon frère. On s'estime par nos dettes, et tu connais le truc. En attendant, je suis dans le building. J'suis dans le putain de building. Mon gars, j'suis dans le building. Moi, face à VF, tu connais la Dream Team. J'veux le punir, 7-5, c'est LA. J'rappe les côtes fêlées. Mon gars, j'suis dans le building. J'suis dans le putain de building. Tu connais le texte. Si tu me dois des comptes, mec, paye en espèces. Fuck un ami foire ou un homme dans la jet set. J'ai vu de la haine et de l'amour passionné dans la même scène. Les gars, va béton pour les euros ou les mœurs. Tu veux que je te pousse un truc, tu penses qu'à mater ma recette 5. Sans as, comment je l'aurais F. Je pose mon bail, les M6 sont dans le ZF. Je veux de la maille pour plus digérer dans le grec. Fuck les putes, moi je suis un bavon comme Beck. Je suis pas dans le move, tu sais qu'on est là. 765 Zastava, on est là. On est là. Si la route tourne mal, j'espère m'en sortir. Ils ont connu tant de failles, ils sont bons qu'à nous mentir. J'ai peur de faire tous ces allers pour rien, mon frère. On s'estime par nos dettes. Et tu connais le truc. En attendant, j'suis dans le building. J'suis dans le putain de building. Mon gars, va, j'suis dans le building. Mahfaz, ta BF, tu connais la Dream Team. J'veux le Bene 7-5, c'est LS, j'rappe les codes fêlés. Mon gars, va, j'suis dans le building. J'suis dans le putain de building. Si la route tourne mal, j'espère m'en sortir. Ils ont connu tant de failles, ils sont bons qu'à nous mentir. J'ai peur de faire tous ces allers pour rien, mon frère. On s'estime par nos dettes. Et tu connais le truc. La nocturne. Toi tu voulais m'aimer à tort. J'attends la mort. Hein? Qu'est-ce que tu me racontes, je suis un bonhomme. Même quand tu brises mes colonnes, je peux prendre une rafale pour mon pote. Qu'est-ce que tu me racontes, je suis un bonhomme. Je donnerai jamais ton nom aux schmitts, aux schmettes qui veulent te banane. Trop de faux amis, avant j'avais peur, mais mourir c'est banal. Je porte tellement de péchés sur le dos, je compare au poids de la gâchette. Le choix est lourd, la décision est ferme, moi personne m'achète. Si la route m'a tué, la récompense m'a consolé dans les moments de doute. Je n'adore que Dieu, je n'écoute que lui, j'en ai rien à foutre. Mon ami, je suis tenu par les mots, on n'a qu'une parole. On a qu'un honneur, quand tu pars c'est fini, la monnaie te racole. Le pouvoir n'est rien, tu le possèdes pas, c'est lui qui décide. Mon ami, on m'a pris le meilleur enfant, je comprenais Iki. J'ai tué ma chance comme tous les miens, j'ai des remords, ça m'arrive. J'ai tout détaillé dans mon message, mais la bouteille dérive. Ils veulent me suivre, quoi de neuf, manger de la pierre. Marcher à contre-courant quand t'es sûr, y'a que ça à faire. Quand le cœur hésite, la main tremble. Ton amour m'étouffe, desserre la sangle. Ami, j'attends rien de toi, même si c'est pas grand chose. Je me mets jamais à nu quand je parle en prose. Mais les vers me déshabillent, ma femme sera jalouse. Et la haine m'appelle, je la connais vicieuse, mais je l'épouse. Et je travaille peu pour une des sept catégories sous le trône. T'as vécu par le chrome, tu mourras par le chrome. Et la nuit, je rêve de voler comme un drone. L'époque est froide, on vit avec des clones. T'es d'humeur peureuse, les armes à feu réconfortent. C'est la montre pieuse, t'es trompe pas, les années sont fortes. Les femmes trouvent nos tempéraments durs car les mamans sont mortes. Vos rythmes dégoûtent de poids, de mesure boy, les balances s'en sortent. Je suis avec ma bande, mes chers avancés tout seul. Prêt à mourir pour le gang, ça c'était avant ma chute. Qu'est-ce que tu me racontes, je suis un bonhomme. Même quand tu brises mes colonnes, je peux prendre une rafale pour mon pote. Qu'est-ce que tu me racontes, je suis un bonhomme. Je donnerai jamais ton nom aux schmitts, aux schmettes qui veulent te banane. Trop de faux amis, avant j'avais peur, mais mourir c'est banal. Je porte tellement de péchés sur le dos, je compare au poids de la gâchette. Le choix est lourd, la décision est ferme, moi personne m'achète. Si la route m'a tué, la récompense m'a consolé dans les moments de doute. Je n'adore que Dieu, je n'écoute que lui, j'en ai rien à foutre. Toi tu voulais m'aimer à tort. J'suis une sacrée pourriture, j'attends la mort. Et je voyais par toi j'étais fou. Et mes remords sont bien enterrés dans un trou. J'ai déraillé, j'suis quelque peu instable. Mais putain j'ai posé mes yokus sur la table. Zoulou tu voulais que j'perde. Zoulou tu voulais me voir étouffé dans ma merde. J'en suis pas loin, je le mérite. Je médite quand t'agis et j'agis quand tu médites. Une symphonie lors de la guerre. Je me suis reconnu en Léonidas, genou à terre. Rappelle-toi de la vie Gava quand on était au fond. Elle était belle, elle était bien au fond. Sale pourriture, vous m'aurez pas. Oh. Qu'est-ce que tu me racontes, j'suis un bonhomme. Même quand tu brises mes colonnes, tu peux prendre une rafale pour mon pote. Qu'est-ce que tu me racontes, j'suis un bonhomme. Qu'est-ce que tu me racontes, j'suis un bonhomme. J'pars tellement de péchés sur le dos, j'compare au poids de la gâchette. Le choix est lourd, la décision est ferme, moi personne m'achète. Qu'est-ce que tu me racontes, j'suis un bonhomme. C'est la route m'a tué, la récompense m'a consolé dans les moments de doute. Je n'adore que Dieu, je n'écoute que lui, j'en ai rien à foutre. C'est la nocturne 100% rap français. Jarod au contrôle, Caméléon est dans les bacs. Alors attends, Caméléon est dans les bacs, ça oui. C'est le son Bonhomme. Mmh. Et c'est un de mes sons préférés de l'album. C'est vrai? Ouais, je le kiffe. Mais comment t'as bien aimé? Comment on fait? Comment on fait quand on a un artiste, qu'on fait un album? Attends, je regarde 18 titres. Ouais. Comment tu peux dire à un moment, c'est mon morceau préféré? Non, j'avoue, c'est chaud. Je te dis la vérité, c'est bah oui. Un de mes morceaux préférés en fait. Et je vais t'en mettre 2-3 là, on va en mettre 2-3. Bon, on va mettre 2-3. Peut-être freestyle aussi, non? Il y aura un petit freestyle à la fin. Il y a quelques gens qui sont venus pour plier le micro. Et il y a un petit titre aussi, parce que là, en fait, ce qui se passe, parce que je te mens pas, t'as vu, tu nous as vu arriver en freestyle. Oui. C'est parce qu'en fait, on est, tu vois, on vient de faire un bon billet, moi et mon gars, le Nine. Et voilà, on a un petit son qu'on a enregistré et qu'on va vous sortir dans pas longtemps. Vous étiez où? Là, on était dans un hôtel. On était où? On était à Bercy. Voilà, dans, je sais pas, il va vous expliquer. Il connaît. Enfin, il sait. Le Nine que je connais, j'ai déjà vu, ça va bien le Nine. Ça va, toi? En forme? On est là. Hein. Eh ben, très bien. Jarod, un petit mot sur Jarod, un petit mot sur le projet qui est dans les bacs, Caméléon. Lourd, le projet, faut aller le prendre. Est-ce que par exemple ce soir, voilà, minuit 28, est-ce qu'on peut aller cliquer tout de suite? Minuit 28? Oui, on peut cliquer. Cliquer où? Bah, chercher l'album. Ah, mais ça c'est sûr, mais attends, ça fait une semaine qu'il est en vente. Non, voilà, pour tous ceux qui savent pas, vous pouvez l'acheter sur iTunes et Google Play. Et si vous voulez le miroir, justement, la grosse surprise de cet album. Oui, en physique, ouais. Voilà, si vous voulez l'acheter en physique, vous allez dans les Fnac, dans les Leclerc et les Cultura de votre ville. Ou sinon, vous le commandez sur Fnac.com s'il n'est pas dans votre ville. Mais c'est en Suisse, en Belgique et dans toute la France, normalement. Jarod avec nous, la nocturne, on repart sur En Forme. Ouais, En Forme, ça aussi, c'est un de mes titres préférés, mais celui-là, c'est un autre registre. Mais comme je disais, sur l'album, il y a beaucoup de couleurs différentes. Je sais pas pourquoi, dès qu'on va passer un morceau, je me dis que ça va être tes titres préférés, Jarod. Non, c'est un super album, je suis grave content, moi, je l'aime bien. Et ben nous aussi, on est content de t'avoir dans la nocturne. Jarod, Caméléon. Tu connais les bails, ma gueule? Tu connais les bails, ma salope? Ouais, man. Vous êtes sur Skyrock? Qu'est-ce qui se passe? Putain, je suis en place. Ouais. Fonce jamais la passe, non, j'avoue que je m'en passe. Hein, ils connaissent le blaze, ils connaissent les phases, ils connaissent les phases. Ils galopent, c'est naze, ils galochent des trappes, ils le foutent, je t'écrase. Minus, les menottes me servent, l'OPJ s'excite, mais jamais je donne. Gava, lève ton verre, il est l'heure de prier pour les hommes. Il est sur les nerfs, il est bon qu'à prier pour des hommes. Je suis la voix de la guerre, Gava contre les victimes dans la zone. Zoulou rêve d'une rafale sur les decks, Zoulou veulent ma tête, Zoulou veulent ma tête. Zoulou veulent m'enlever le respect du check, Zoulou font de la peine, Zoulou veulent mon grec. Pas la peine, on va te faire taire. Paname, c'est petit comme ta huc. Ouais, dans la rue, tu fais le gangster. Avec les meufs, c'est Donald Duck. Ton carré vip, ça rince sec. Avec ta mère, c'est Picsou. Ouais, paname, paname, paname, paname. 19ème, ça dit le coup. Ouais, mets le son, mon gava. Mets le son, ça tue. Cité du sud, du nord, de l'est, de l'ouest. Même sur ça, tu vois. Tu connais les bails, ma gueule. Tu connais les bails, ma salope. Salut, salam, shalom, galop. J'arrose, je casse des gueules, il m'appelle Jarod. Sors le tech 9 en rose en l'air. Lâche le rinté, je le récupère. Sors le tech 9 à rose en l'air. Voilà, vive un santé, olive, fleur et peine en terre. J'roule dans Paname, tout le monde me pisse. Snare, snare, snare. Tu fais l'ancien, toi t'es mon fils. Putain, j'suis en fort, ouais. Putain, j'suis en fort, fort. Putain, j'suis en fort, ouais. Putain, j'suis en fort, fort. Sors le tech 9 à rose en l'air. Sors le tech 9 à rose en l'air. Rappelle ton marabout. Ça n'a pas marché. RQT à 9 zoos, Valdez, 4 quarts, babounet. J'suis un animal dans les moments d'inspi. Ouais. Tu connais les bails, j'suis pas là, c'est que style. J'ai une tech de malade et j'ai voulu dans le style. J'suis un homme, pas de salade, on est connu dans le tir. Je ne parle pas sur toi, non. Tu t'es matrixé. Dans tous les cas, t'assumes pas. Pardon, j'voulais pas te blesser, je n'ai pas fait exprès. Et mon nom est Dexter, j'suis un putain d'expert. J'allume à la caisse claire, j'suis bouillant, ils espèrent me retrouver par terre. Tu sais comment passe terre, dédicace à Fusner. Dédicace, John Wayne, John Wayne, Bruce Wayne. C'est des babous, j'fais les bails, j'les ken, j'les ken. font les gravons. J'en ai marre de vous, j'en ai marre de voir la France à quatre pattes par terre. J'en ai marre du zoo, j'en ai marre des allers-retours du ping-pong de Nanterre. Phénoménal, y'a quoi? Quitte mon tous les jours, en l'air, votre comportement mangeaille. Je les baise, ils te demandent par derrière. Tu sors le machin, pas de problème, on sort le machin. Tu sors le machin, pas de problème, on sort les machins. Tu connais les bails, ma gueule, tu connais les bails, ma salope. Salut, salam, shalom, galop, j'arrose. J'casse des gueules, ils m'appellent, j'arrose. Sors le tech 9, arrose en l'air. Lâche le rinté, je le récupère. Sors le tech 9, arrose en l'air. Voilà, vive un santé, Oli, fleur et pas une Nanterre. J'roule dans Paname, tout le monde me pisse. Snap, snap, snap. Tu fais l'ancien, toi t'es mon fils. Putain, j'suis en fort, ouais. Putain, j'suis en fort, fort. Putain, j'suis en fort, ouais. Putain, j'suis en fort, fort. Sors le tech 9, arrose en l'air. Sors le tech 9, arrose en l'air. J'suis avec Brad, tu connais le bail, gava, tu n'es pas de taille, on te vole ton vélo. On m'appelle Mike, Fevelekman, j'ai du mal avec Watt, si j'pèse, tu m'épouses. Sale pute, tu mastiques, le manche, tu danses, je plastique, t'es en gym, point les j'cule, le casting te branche, tu colles, tu lâches, appe la branche. Zoulou ne balance pas la team, Zoulou ne balance pas la team, Zoulou ne balance pas la team, Zoulou tu mens, tu paradis. Sors le tech 9 arrose en l'air. Lâche le rinté, tu vas rien faire. J'les entends, j'actais, j'envoie la dose. J't'ai vite foiré, j'tire pendant que tu coffres. J'suis à fond dans la zik mais j'lève l'autre chose. J'ai pas peur de mourir pour la cause. J'ai pas peur de m'opposer aux autres. J'ai pas peur de péter contre le système. Tu connais les bails, on fait manger la zone. Tu connais les bails, tu connais les bails. J'arrive, vous snare, vous snare, vous snare, vous snare, vous snare, vous snare, vous snare. Sors le tech 9 arrose en l'air. Voilà, vive un santé, Oli, fleur et pas une Nanterre. J'roule dans Paname, tout le monde me pisse. Vous snare, vous snare, vous snare. Tu fais l'ancien, toi t'es mon fils. Putain j'suis en fort, putain j'suis en fort, putain j'suis en fort, putain j'suis en fort. Sors le tech 9 arrose en l'air. Sors le tech 9 arrose en l'air. Il paraît que t'es en forme. Ouh là là. T'as vu ça? Jarod à l'instant en forme, c'est le morceau. On le retrouve sur l'album qui est dans les bacs depuis une semaine. Ouais, Caméléon. Caméléon, n'hésitez pas à cliquer. Et Jarod m'a dit, là, il m'a dit, ouais, il faut qu'on kick. On va kicker un petit peu, on va faire un petit truc dans le calme. Il faut qu'on kick. Non, on va commencer dans le calme. Les vrais, okay, le vrai okay, kickage, ça va être à la fin, ça. Ah, c'est vrai? Mais là, on commence dans le calme. On va commencer avec mon gars Papo. En fait, je l'ai invité sur un titre dans l'album qui s'appelle Icar. C'est un titre assez matrixé. Donc, on a fait un bon titre, je pense. Donc présente-nous Papo qui est ici. Alors, Papo qui est avec moi, c'est un gars que je connais depuis toujours. Hein. T'as vu, c'est un mec de mon secteur. Et voilà, c'est un mec qui est assez demandé dans le secteur en tant que rappeur. Tu vois ou pas? Mais lui, il se fait discret. Mais là, il va envoyer bientôt des nouveaux trucs. Ouais, ça va envoyer au calme. Mais là, donc voilà, il est là, il est parmi nous. Et on peut y aller? Ouais, quand tu veux, hein, t'es prêt? Allez. Coup d'envoi live maintenant. Ah, 19ème. Oui. Arcuté. Dédicace à vous, Snare. La MAH de Mo. Yeah. Les frères O'Hebs. Toujours. Kuroba, Bébé, Namax. Dédicace à Drik et Zou. Bakai. Je suis habité par mal, y'a une voix dans ma tête qui me pousse à le faire. J'ai tapé 10 piges sans quitter le quartier comme si c'était un monastère. Les gens du game nous comprennent pas quand on sort, on fait la guerre. Dis aux petites guesmères qui bécravent de la pure qu'ils apprennent à se taire. J'fais ma place dans ce monde où personne regarde si t'as pas de Maybach. Ce monde individualiste où tout le monde ferme sa gueule, donc à la fin mon gars la balance fait le mac. Pardonnez-moi mon seigneur, j'ai voulu voler trop haut, j'ai brûlé, j'ai compris. Pardonnez-moi mon seigneur, j'ai recommencé, fait quelque chose, ils m'ont tout pris. J'me suis levé à côté d'elle en pensant à mes péchés ce matin. J'suis parti avant qu'elle se réveille, j'ai cassé ma puce, adieu Samantha. Je suis arrivé en retard sur le terrain éclaté, sans une feuille. Je suis avec le poteau, il est chargé, ta gueule, je suis en deuil. Faut que je trouve une excuse pour le créateur. Je suis à Paname et j'ai voulu prendre mon beurre. Je suis à Paname et j'ai voulu prendre mon beurre. Pour se faire un nom dans le coin, on a bravé la peur. Mais on n'a pas assumé de mater nos familles en pleurs. Je suis à Paname et j'ai voulu prendre mon beurre. Je suis à Paname et j'ai voulu prendre mon beurre. Comme Icar, j'ai voulu m'envoler, toucher le ciel. Mais le sol m'a pris. J'ai la dalle, je mourrai pas sans avoir goûté le miel. Je l'aurai toute ma vie. Je veux des talles, enrober des grosses liasses d'oseille. Pour les réinvestir. J'ai la dalle déterminée toute la semaine. Ici pour rien, ça tire. J'galère, j'baroute, j'bicrave, j'avance. Dans les rues de ma ville. Vénève, boulette, placard, balance. Dans les rues de ma ville. J'galère, j'baroute, j'bicrave, j'avance. Dans les rues de ma ville. Tous ma me arc blanc, bolos. Dans les rues de ma ville. Vous êtes sur Skyrock, bande d'enfoirés. Aïe. Là c'est pas pour. C'est comment les gars va? Là c'est le 19ème RQT. Si si. Sams, Boumara. Bye. SD, Stan Pams. Bré, Rach. Lilou, Volté. Hein? Ok. Là je suis trop taille, noir dans le game et tu oses faire le player. J'dors plus, j'ai trop de péché et pas assez de maille. J't'assure que j'ai grandi dans le zoo et pas ailleurs. Pas prochain rock, protège ton dos. Regarde froid comme la lame du couteau. Les couillons les portent jusqu'à la mort, dis leur canadio. Plus j'vends, plus j'prends la place dans le canapé. Quand t'es dans la merde, tu reçois au canapé. Ça vient de Paris 19ème, Rick et Stalingrad. Luciano vient voir ici, avla les rats. Y'a de l'accélérat, 5 litres de pur vaut mieux que Panamera. Qui vivra verra. Jess Olivera. Posé sur le terrain, ça galère, y'a pas de l'os putain. Seul avec ma peau, tu peux m'appeler ma saille. On laisse pas de faille, ma gueule, j'ai redis leur c'est quoi les bails. J'ai la mythe et die. Peu de gens qui agit et beaucoup qui braille. Y'a des hauts, des bas dans la vie. Des grands débats dans la street, des balles dans la street. Tu kiffes, follow me. C'est le 19ème mon ami. Tous les bâtards mettent jalousie quand tu t'en sors. Mais où étais-tu quand tu galérais au mita? J'avance dans le mal, j'essaie de faire les choses. Mais je sais pas ce qui me repousse à te remettre à plus tard. Ah, faut que je trouve une excuse pour le créateur. Je suis à Paname, j'ai voulu prendre mon beurre. Je suis à Paname, j'ai voulu prendre mon beurre. Pour se faire un nom dans le coin, on a bravé la peur. Mais on n'a pas assumé de mater nos familles en pleurs. Je suis à Paname, j'ai voulu prendre mon beurre. Je suis à Paname, j'ai voulu prendre mon beurre. Comme Icar, j'ai voulu m'envoler toucher le ciel. Mais le sol m'a pris. J'ai la dalle, j'mourrai pas sans avoir coûté le miel. J'l'aurai toute ma vie. J'veux des talents, enrober des grosses liasses d'oseille. Pour les réinvestir. J'ai la dalle, des déterminants pas toute la semaine. Ici pour rien, ça tire. J'galère, j'baroute, j'pigrave, j'avance. Bang. Dans les rues de ma ville. Bénef, boulette, placard, balance. Dans les rues de ma ville. J'galère, j'baroute, j'pigrave, j'avance. Dans les rues de ma ville. Dans les rues de ma ville, Icar, Icar, Icar. Si, si, 19ème. Ah ah, on est sur Skyrock, flash, comment ça se passe, les Zoulous? Vous êtes là ou pas? Aïe aïe aïe. Ok. Ok, on va enchaîner avec un autre live alors. Yes. Si mes gars sont prêts, V12. Tu la sens ou quoi? Toujours, toujours. Ah. Yeah. Bon, bon, ouais. Un 9. Ricky et Stalingrad. Tous les vrais. Allez, c'est parti, j'arrête tous VDSP, c'est la fratrie. J'encule le game, mais y'a pas de flatterie. J'suis l'entier en entier, fais-moi des gâteries. J'fais mon billet, pas tant de crier, j'recharge mes batteries. J'rapporte 19 car c'est l'Afrique et c'est ma patrie. J'suis dans la partie, j'fais des allées où. Bien sûr, on a venu, y'a des grips, c'est blood. J'veux pas ton goûter, car tes chips, c'est good. Au mieux, avant la plaquette, j'la tue, c'est cool, gars. Fais ça, comment je passe le coup de gars? C'est pas cool, gars. On fait les balles. Au contre-pomme, j'étais dans la street pendant que t'allais au bal. Dès qu'une balance, donc résultat, tu vas sentir les balles. Celle du 9 et non pas celle du footeux. De carré belle, allez, bye. Pendant que tu dors, moi je fais mes bails. Ouais, ouais, moi je fais mes bails. Ouais, les armes, je sais manier. Voiture puissante, on sait manier. Tu veux gagner la guerre, il faut batailler. Personne te connaît, petit fais tes preuves. Ramène la frappe, ouais, ramène la frappe. Ramène la frappe, Gaba, ramène la frappe. Ramène la frappe, ramène la frappe. Ramène la frappe, Gaba, ramène la frappe. Où j'ai grandi, il faut du bif, la dalle pour survivre. Aucune pote de sortie, pourtant ma frappe vient des Antilles. Ma cam arrive en bouteille et purée en liquide. C'est moi qui la cuisine, un peu picard et c'est solide. Les jaloux sont affamés, plutôt dépressifs. J'ai briefé mon équipe pour qu'il n'y ait pas de fuite. Minuit l'heure du crime, le crime est déjà commis. Les stupides, pas le temps de réagir. AK-47, la rafale, mes bastons sont faites de crack. Obligé de charbonner pour chanter. La daronne demande si son fils n'est pas tombé malade. T'inquiète, je sais où je vais, les vautours je les guette. Ouais, les armes, je sais manier. Hein? Voiture puissante, on sait manier. Tu veux gagner de la guerre, il faut batailler. Personne te connaît, petit fait des preuves. Ramène la frappe, ramène la frappe. Ramène la frappe, Gaba, ramène la frappe. Ramène la frappe, ramène la frappe. Ramène la frappe, Gaba, ramène la frappe. fais du rap, mec. Moi je coupe de tête. À chaque inspire, les auditeurs esquivent les coups de machette. Je suis dépassé, gars, je peux même plus compter les connes ou compter les dealers qui parlent avec les chemises au téléphone. Je suis en tôle dehors, je passe le salam à tous mes gars qui sont en tôle dehors. Fumer le bénéf, c'est comme voter, c'est juste une perte de temps. Et si tu perds dedans pendant la démo, c'est sûrement que tu devais pas être si hoche que ça. Je suis trop speed pour ce rap game, péter mes proches le savent. Tu peux plus être crédible quand tu trahis tes potes de base. Petite frappe, tu sais que les coups de crosse me suivent. Un flip flap vocal, beaucoup de shots me suivent. C'est pas dans les bacs, ça vient du zoo. Je veux du cash et une putain qui note. Mais rendez-vous, tu fais un 11 et les mecs de chez Watt bouge à la tête. Mais repeat 5 ou 6 fois, ensuite 4 la tête. Ouais, les armes, on s'est manié. Voiture puissante, on s'est manié. Tu veux gagner la guerre, il faut batailler. Personne te connaît, petit fais tes peurs. Ramène la frappe, ramène la frappe, ramène la frappe, Gava, ramène la frappe. Ramène la frappe, ramène la frappe, ramène la frappe, Gava, ramène la frappe. Tu fais du rap, mec. Moi je coupe des têtes avant que les Schmitt me pètent. Dieu, si je m'envoie, tu broliquais dans la fête. C'est que la tôle me guette. La tôle me guette. Y'a pas, t'inquiète, je fais pas du son pour les traîtres. Une empreinte de maître, il joue les chauffe-eau, les wet. Ouais, l'axe, c'est comment? Ah, ouais. Désolé, ouais. Delgado est là, V12 est là. V12, Ricky Stalingrad. Caméléon dans les bacs, allez pêche au sol. Allez tous l'acheter, bande d'enfoirés. Lilou, foiré. Lilou, pick up. Paris, le capital. Le 9, il est là. Bureau, tout le monde. Meudard, Boumams, Zoutré. Ah, et d'ailleurs, on fait un petit concert, une petite soirée pour la, on va dire, pour la sortie de l'album. C'est le 27, c'est au Patio à Avenue de Flandre. Je sais plus c'est au combien, mais c'est au 19e. Voilà, 19e arrondissement de Paris. Patio Avenue de Flandre, on va faire une petite soirée entre nous. Je prendrai le micro à un moment, je ferai 2-3 ans sur scène. Rappelle-nous quand, Jérôme ? C'est le 27 mai. Donc 27 c'est très bien. Dans une quinzaine de jours. Voilà, vendredi 27 mai. Ça va être sympa, ça va être bonne ambiance. On va venir histoire de fêter l'album. Donc tous ceux qui veulent venir bientôt, on annoncera. L'entrée est à 10 euros. Voilà, l'entrée sera à 10 euros. Sympa quand même. Apparemment gratuit. Attends, pour les filles aussi. 10 euros, ça va. 10 euros avec une conso. Attends. En plus ? Attends. Donc voilà. En plus ? Tous ceux qui, voilà, en plus. Bah, tous ceux qui veulent venir, venez, vous êtes les bienvenus. On va s'amuser, on va rigoler. Jarod avec nous, c'est la nocturne. Si. C'est la nocturne Caméléon qui est sortie il y a une semaine maintenant. C'est ce qu'on voit, tchou. Il y a un papa, il pense qu'aux dédicaces. Il veut placer des gens. Vas-y. Attends, on va lui laisser. On t'écoute. Vas-y. Tout le monde. Yanko, tous les mecs au Hebs, frère, D5, D2. Galdon. Big up Hanout, le Hanout. Berguigui, Namax. Aïe. Force à vous. La voilà. Nocturne avec Jarod avec nous. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir cet album qui est dans les bacs depuis une semaine. Ouais, moi aussi. Ça s'appelle Caméléon. C'est n'hésitez mon bébé. Pas à aller chercher. Il y aura du live encore tout à l'heure. On continue, Jarod. Qu'est-ce qu'on met? On met un petit son. J'ai envie de mettre un son un peu plus cool. Avec dis-moi. Une rythmique dis-moi. Un peu plus deep, un truc plus ouvert. Tu me dis. Ça s'appelle Mon Ami. Ah, parfait. C'est la 2, je crois. Oui. La 2 ou la 3? La 3. Parce que la 2, c'est Zoulou. Ah. Un petit mot d'ailleurs, dis-nous avec qui t'as bossé, Jarod, là-dessus. Alors, déjà, il y a toute, on va dire, l'équipe PPFF. Je dédicace Mariem, je dédicace Taina, je dédicace Mélanie, je dédicace Diez31 Diez. Tout mon secteur, ça, c'est sûr. Je dédicace les beatmakers qui ont bossé sur l'album, Mitch Buchanan, BBP, Blix. On a eu Bugatti Beats, on a Badem de Spiral Prod. On a qui encore qui a bossé sur l'album? On a Kinai, Neo Maestro du Canada. Donc, big up à eux s'ils nous écoutent. Et puis voilà, c'est toujours, tu vois, je bosse toujours avec plein de gens. Et alors un petit mot sur PPFF. Un petit mot sur PPFF. Bah oui. PPFF, c'est Parle Peu Frappe Fort. Parle Peu Frappe Fort, voilà. C'est aussi une marque de fringues. Voilà, on a lancé un début de marque. C'est Diez PPFF, Parle Peu Frappe Fort. Donc vous voyez, de toute façon, vous verrez dans la vidéo, tous les Zoulous qui sont là, ils sont habillés en PPFF. Mmh. Donc voilà, tu vois, c'est. On va commencer à se mettre dans le textile. On parfait. Va voir ce que ça donne. Bonne idée. Ouais, je pense. Et là, on part maintenant sur un morceau, c'est extrait de Caméléon. Mon ami. Jarod avec nous, la nocturne 100% rap français, les messages, le hashtag la nocturne, le hashtag Skyrock. Jarod. Caméléon dans les bacs. Hier, j'allais mal, j'ai vu mes aînés en paix. Mon amour, goodbye, je vais rester mourir en paix. J'arrive plus à voir. J'arrive plus à marcher, j'arrive plus à croire. J'suis triste et la ville m'appelle. j'rêve de partir, j'y aspire vraiment. C'est personnel, j'fais des efforts. J'ai tout donné aux autres inconsciemment. Ils m'ont haï et m'ont jugé à tort. Je n'ai pas l'intention de parler. J'm'en irai tant pis s'ils m'appellent. Ici les sentiments sont carrés. J'veux respirer un air meilleur. Mon ami on go, mon ami on go. Oui la route est relou mais j'ai vu la lumière. Mon ami on go, c'est parti en couille. Depuis que ces humains m'ont fait tourner, tourner la tête. J'respire mieux quand j'te vois. Tu m'inspires et m'donnes de la force. Y'a des années on se regardait sans savoir où aller. Dieu nous aime, je l'adore. Mon ami t'es parti, parti trop tôt. Parti, parti trop tôt. Dans la tête j'ai des centaines de photos. Parti, parti trop tôt. J'ai compté les jours, je t'attends. J'ai compté les semaines, je t'attends. Mon ami on voulait la même, on l'aura vraiment. Oh, oh mon ami, j'rêve de m'en aller moi aussi. J'aspire vraiment. J'ai compté sur toi et t'assuré dans les pires moments. Mon ami t'es parti, parti trop tôt. Parti, parti trop tôt. Dans la tête j'ai des centaines de photos. Parti, parti trop tôt. T'as reconnu la vibe. T'as reconnu la vibe. Ah ouais. Les caméléons m'entendent. Mais les haineux m'attaquent. Ah ouais. J'ai avancé dans le noir. J'ai avancé dans le noir. Mal aimé. J'connais bien vos discours. J'aurai jamais comme vous, jamais. T'as géré ma haine, mon ego. T'as géré ma haine, mon ego. T'as géré ma haine, mon ego. Même dans les pires moments. T'as géré ma haine, mon ego. T'as géré ma haine, mon ego. T'as géré ma haine, mon ego. Même dans les pires moments. Mon ami on go, mon ami on go. Oui la route est relou mais j'ai vu la lumière. Mon ami on go, c'est parti en couille. Depuis que ces humains m'ont fait tourner, tourner la tête. J'respire mieux quand j'te vois. Tu m'inspires et m'donnes de la force. Y'a des années on se regardait sans savoir où aller. Dieu nous aime, je l'adore. Mon ami t'es parti, parti trop tôt. Parti, parti trop tôt. Dans la tête j'ai des centaines de photos. Parti, parti trop tôt. J'ai compté les jours, je t'attends. J'ai compté les semaines, je t'attends. Mon ami on voulait la même, on l'aura vraiment. Oh, oh mon ami, j'rêve de m'en aller moi aussi. J'aspire vraiment. J'ai compté sur toi et t'assurer dans les pires moments. Mon ami t'es parti, parti trop tôt. Parti, parti trop tôt. Dans la tête j'ai des centaines de photos. Parti, parti trop tôt. T'as reconnu la vibe. T'as reconnu la vibe. Mon ami, mon ami. Caméléon m'entend. Mais les haines m'attaquent. T'as reconnu la vibe. T'as reconnu la vibe. Mon ami, mon ami. J'connais bien vos discours. Je serai jamais comme vous. Jamais. Planète Rap. La nocturne. Je suis solo dans le bloc. J'en ai marre, je veux m'en aller. C'est vrai que je suis à bout de nerfs. Tous les jours, je passe mes journées à cavaler. J'en ai marre de voir Paris la night. J'en ai marre, ouais, faites tomber les masques. J'en ai marre de peur, je suis marginal. Je vais les casinos, jamais le tribunal. Bon, trimé, sué, je suis dans plus l'époque. Faut que je m'en aille, je vais craquer sur un proche. Bah ouais, y'a qu'au soleil que je suis à l'aise. Là où t'es long, je m'en rappelle, j'ai le cœur noué. Je ferme les yeux et je suis dans les airs. Tous les gens du coin voulaient me plaire. Je perds mes moyens, mais je suis le meilleur. J'ferme les yeux, je suis dans la mer. J'ouvre les yeux, je suis dans la mer. J'perds mes moyens, mais c'est moi le meilleur. J'ai besoin de voir la mer, garde le meilleur, cesse de penser. J'suis arrivé loin de la guerre, fais-moi l'honneur de rester danser. J'ai connu toi, j'ai personne. En quelques secondes, j'ai tout oublié. Avant que nos cœurs se serrent, fais-moi l'honneur de rester danser. Fais-moi l'honneur de rester danser. Juste une seconde. Juste une danser. Je suis un mélomane, je vais rester danser. Rester danser. Je ferme les yeux, je suis dans les airs. Tous les gens du coin voulaient me taire. Je perds mes moyens, mais je suis le meilleur. Je ferme les yeux, je suis dans la mer. J'ouvre les yeux, je suis dans la mer. Je perds mes moyens, mais c'est moi le meilleur. J'ai besoin de voir ma mère, garde le meilleur, cesse de penser. J'suis arrivé loin de la guerre, fais-moi l'honneur de rester danser. J'ai connu pas, j'ai personne, en quelques secondes j'ai tout oublié. Entre nos cœurs se serrent, fais-moi l'honneur de rester danser. Fais-moi donc l'honneur de rester danser. C'est la nocturne 100% rap français avec Jarod. Il est là, caméléon dans les bacs. Jarod. Oui. Je suis désolé, mais il y a un mec. Dès qu'il est là, il veut prendre le micro. Je sais pas, il est arrivé là, il était énervé. C'est un mec, dès qu'il arrive dans le studio, il faut qu'il prenne le micro. Ouais, mais c'est que quand j'ai des copains, mon pote. Ah oui, c'est ça. C'est que quand j'ai des copains. C'est vrai. Monsieur Sofiane qui est là avec nous, ça va, Sofiane? Monsieur Frère, comment tu vas? Ah bah, ça fait plaisir de te voir. Bah écoute, moi aussi. Pareil. Nocturne de Jarod, ça nous fait deux fois plus plaisir. Ah bah ouais. Voilà, voilà. Est-ce que tu as acheté Caméléon? Je l'ai pas acheté, on me l'a donné, je l'ai acheté, je l'ai offert derrière. Ah oui mon ami. Bien, bien, bien. J'étais en galère, de miroir, tu vois, à la maison, donc j'étais tranquille. Ah bah parfait. En paix. Donc Sofiane, votre connexion à tous les deux, c'est quoi en fait l'histoire entre vous deux? Notre connexion à tous les deux, c'est une connexion humaine. Je me souviens de la première fois où on s'est croisés, c'était sur un freestyle, c'était un Demolition d'ailleurs à l'époque. Ouais, ouais. Avec Aketo. Exactement. Et depuis, ça nous a toujours fait plaisir de se croiser et c'est un des meilleurs niveaux actuellement. Donc ça fait toujours bien de se frotter les uns contre les autres parce qu'on aime ça. Ouais. Donc voilà, Il va y avoir un petit truc après, on va se bagarrer un peu. Tu vois l'ambiance? Donc c'est cool, c'est cool, on s'amuse, on fait du peurat et quand les frérots ils sortent des projets sérieux. Alors, je me souviens quand même que Jarod avait défié pas mal de rappeurs à une époque. Tu veux vraiment reparler de ça? Oui, on peut en reparler. Ça partait d'une histoire sur une radio qu'on salue d'ailleurs, nos amis de Urban Hit. Urban Hit. J'avais un trou, mais en tout cas on les salue. Jarod, on en est où? Bon, c'est, comme je t'avais dit, tu vois, on l'avait fait ici, le freestyle, oui. Le gros freestyle. Ouais. On l'avait fait chez toi dans la nocturne, il y a un peu moins d'un an, je crois. Et au final, il devait y avoir du bagarreur autour de la table. Après, il y a eu des micmacs. Voilà, tu vois, ça parlait d'argent, alors qu'à la base, on ne devait pas parler d'argent. C'était gratuit. Donc après, tu connais, Sofiane, il a surenchéri. Donc on a tous dû sortir 10 000 balles de nos poches. C'est vrai que celui-ci, hein, il est quand même. Il est relou, celui-là. Il est relou, celui-ci, quand même. C'était 10 000 sur la table. Voilà, c'était ça. Il a voulu mettre 10 000 sur la table, donc on a été obligé de suivre. Et puis bon, à la fin, Résultat, il a payé ton album. En gros, pour revenir sur tout ça, moi, j'ai pas fait de freestyle payant. Sadek voulait faire payer, moi, c'était pas mon délire du tout. Et au final, on l'a fait ce freestyle gratuit chez toi, tu vois, et ça s'est super bien passé. D'ailleurs, gros dash a plié le micro. Oui. Franchement, c'était quelque chose. Et d'autres, il y avait des bons MC, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Oui. Sur ma chaîne, Jarod Officiel. J'ai même pas pu être là d'ailleurs. Voilà, ouais, Sofiane n'avait pas pu être là. Chez Kixo, elle avait pas pu être là. Et gros big up à lui, à la Toukipé aussi qui passeront très bientôt. Et comme je t'ai dit, nous, on en a marre des Matrix entre rappeurs, on veut pas se bagarrer, on veut pas s'embrouiller, on veut juste. Exactement, compétition normale. Voilà, on a envie de rigoler. Comme les mecs qui. Tu vois, quand ils montent sur le ring en boxe, cassent la gueule et après ils se serrent la main. Par contre, Jarod, je te cache pas, Sofiane m'a dit, là je vais mettre un morceau, il va plier Jarod. Ah, possible. Ah, c'est très probable, même. C'est très probable, hein. Je le connais, l'animal. T'es toujours en forme à la nocturne. Il est très relou, attends, l'animal. Toujours en forme. Hein. Bah oui, attends, Sofiane, parle-nous de ce morceau alors qu'on va balancer maintenant. Le cheat, c'est, il fait partie de ma série de freestyle que j'ai commencé à balancer depuis un petit mois qui s'appelle Je suis passé chez So. Le premier épisode s'est super bien passé. C'était un freestyle en live de la Castellane à Marseille, super bien accueilli. Le deuxième, c'était Neymar, un machin que j'avais fait ici aussi sur le Planet Rap de Lino. Le troisième, c'était une invitation avec des jeunes rappeurs que je kiffe en ce moment sur internet qui s'appellent Graia, Nino, le S, Ryan, D.O.R. et GLK. Et GLK. Et voilà, c'est tous des frérots, tous des humains mortels. Et on s'est tous battus sur un titre. Et c'est mortel que dans leur génération, il y en a qui sont encore chauds pour faire des trucs comme ça. Parce que nous, c'est complètement ce qu'on kiffe. Donc le morceau qu'on passe, on peut le trouver où, Sofiane? Il sera disponible lundi. C'est une exclue pour ici, pour tout de suite, pour maintenant. Il sort lundi à 16h. C'est Je suis passé chez So, épisode 4. Voilà, mon ami. Allez, on y va, c'est parti. Mets-moi du son dans mes oreilles, mon frère. C'est qui on est, nous? Quand la mondaine n'est pas là. J'ai mon frère, j'ai mon code, ma blonde et ma tenue de gala. Mais toi t'as menti, les coïncidences et les voyous se relient. Quand les frérots crisent dans les bureaux de Chris avec Mulder et Scully. Story sombre et guerrière, passe pas par derrière, touche pas ma Connex. Les dictats c'est pour mes yeux rouges, le garde du corps c'est pour ma Rolex. T'as payé l'hôtel, le resto, le cadeau, mais ce soir elle veut pas. Tu crois elle est mignon, sans pas les couilles de Watt, elle veut juste de la Bajao. On va tous les Bajao, en 2000 Bajao. Je vais sortir le Bajao, Blancox c'est Bajao. Libéré Bajao, libéré Bajao. La des comme Juna, ouais pas plus chulo. Formule Jean Roulin, frère on prend tout là, j'ai besoin d'un poulain. Comme Blue Sky du Moulin, comme Blue Sky du Moulin. Ça se couche comme un homo, ça sonne comme un gros mot. Ça fait du vacarme, frôle, on ramène des armes. On va faire de la promo. On la pétain du C4. Un poteau parle bien. J'ai le cerveau qui fuit comme on ne sait pas qui chou. Wesh frère t'es un Australien toi. Ça bicrave la mort dans les Tchekas. Ça bicrave la mort dans les Tchekas. Ça bicrave la mort dans les Tchekas. Ça bicrave la mort dans les Tchekas. Ouais. T'es un gros bonnet, j'suis une grosse cagoule moi. Wesh Saint-Denis. T'es un gros bonnet, j'suis une grosse cagoule moi. Ça bicrave la mort dans les Tchekas. Ça bicrave la mort dans les Tchekas. Ça bicrave la mort dans les Tchekas. Ça bicrave la mort dans les Tchekas. Ouais, ouais, ouais. T'es un gros bonnet, j'suis une grosse cagoule moi. Wesh Smoke, Soura. T'es un gros bonnet, j'suis une grosse cagoule moi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, rigole, il ricane. Il rigole, il ricane. Y'a pas les potos qui calent. Y'a pas les potos. Ma gueule aurait pu demander à Yabou. On change pas une équipe d'Igal. Ouais, on est connu des services. Une frontière, c'est la cata. T'as trop consommé au bar du BDA, t'as fait du sachet tata. Rage de frérot, une dalle enragée, un coup de frein à main, une balle engagée, une capuche noire, une arme dans la foule. T'as un gros bonnet, j'suis une grosse cagoule. Fallait pas rouvrir nos cages, fallait pas pour recouvrir nos pages. Voilà, voilà. Petit t'as pas notre âge. On a plus rien à perdre, on a buté l'otage. Parce que tu régales, fixé sur la cible, c'est sombre en effet. Ouais, ouais. D'où j'étais, personne ne m'égale, c'était impossible. Mercure. Alors je l'ai fait. J'arrête dans les bacs, mon frère. Parce que tu régales, fixé sur la cible, c'est sombre en effet. Je suis passé chez So, épisode 4, c'est lundi. Alors je l'ai fait. Viens. C'est noir comme la ville lumière, c'est moche comme l'île de Beauté. Poto, fais ton lit. J'ai cantiné des petits Suisses, des canettes de côté. Hey, même quand on est deux, on chuchote. Farid Bourimèche, c'est toi qui avais pas tort, frérot. C'est toi qui avais pas tort. Ça bicrave la mort dans les Tchekas. Ça bicrave la mort dans les Tchekas. Ça bicrave la mort dans les Tchekas. Ça bicrave la mort dans les Tchekas. Ouais, ouais, ouais. T'as un gros bonnet, j'suis une grosse cagoule, moi. C'est nous le 9-3. T'as un gros bonnet, j'suis une grosse cagoule, moi. Wesh, Piou. Kala. Ça bicrave la mort dans les Tchekas. Ouais, ouais, ouais. Ça bicrave la mort dans les Tchekas. Ça bicrave la mort dans les Tchekas. Nocpu. T'es un gros bonnet, j'suis une grosse cagoule, moi. Hein, mon pélo. T'es un gros bonnet, j'suis une grosse cagoule, moi. Hein. SFC. Saint-Denis. Soura. Farid Bourimèche. Bakil. Kissima. Kissima. Yep. Yep. Pago. Pago. Pago. Frère de Saint-Denis. Piou. Je suis passé chez So. 100% rap français, planète rap. Ah putain, ça va chier là. Ça va chier là. Fils de lièvre. Fils de lièvre. Oui, la détention. Oui. Oui. Oui. 75. Tu connais les bails, ma salle. Hein? T'as reconnu la vibe. La vibe. Ça flingue. Zoulou t'a mangé la frappe. La trappe. la fin. Nous, on connaît pas les grosses machines, mais qu'on est beaucoup comme la Chine. Simer, Zulu dans les bacs, la chef. Simer, Zulu met les watts à chiffre. Des terres, on arrivait d'en bas, on a pris un gang bang, des rappeurs dans le tas. Tu peux taper les couches sans pas, on a vendu la mort, on a pété le champagne. Tout jeune, on a arraché les startups, tu fais le fond, on attaque, ton quartier, on rase cash. On se tapait tous les jours spartiates, y'avait pas les clashs pété, y'avait pas les hashtags. Ok, on a mangé des peines de bâtards, en cellule des fois y'avait air, c'était bâtard. On tient nos bouches, on nous libère, jamais bavard, ouais t'inquiète on est solidaire. Tu nous plaques pas, on est sorti à poil, on a recommencé les rafales. Mon ami tu connais, demande à Bouga les Jafar. Les ennemis font jamais, l'on fait direct, on les hackar. On avait trop la dalle, on voulait manger du caviar. Zulu ne joue pas avec moi, Zulu ne joue pas avec moi. Vous êtes 50, on va tirer dans le tas. Vous êtes 100 000, on va tirer dans le tas. Qui va m'arrêter, qui va m'arrêter, qui va m'arrêter? Qui va m'arrêter, qui va m'arrêter, qui va m'arrêter? Quand t'as vu en l'air, gars, c'était dur de yep. Quand t'as entendu le prix de la tête, pourtant dehors tu faisais le mec plein. T'as tout claqué, ils vont pointer. Putain mec, j'suis scotché. Putain mec, j'y crois pas. Ce Zulu ne joue pas avec moi. Zulu ne joue pas avec moi. Ouais, ouais, ouais, ouais, bra, bra, bra, bra, bra, bra. T'as raconté ta life, t'as un F comme d'hab. Tu connais le Rasta, il te laissera hack. J'kick sans limite, j'tape dans la mâchoire, j'mets des high kicks, mon pack. Bellec, ça va vite, tu me croises, fais pas le dingue, j'roule avec le pack. J'dégaine vite John Wayne, j'tourne dans la nuit, j'te cherche Bruce Wayne. Ah, on a niqué le système, vais j'te laisser ou bien me brûler suspense. Ah, 7-5, mec, t'es sorti en conduit, on trinque, mec. J'veux bien check, tu veux savoir si mon compte est plein, Snake. Ça flingue, ça vient de Paris 19, la jungle. On est solo dans ce monde rageux. On va parler en tête à tête à jeun. Tu fais le chelou, tu prends des coups, peut-être des balles, pas de ça va, Stano. Chez nous, ramène ta beuh, y'a pas de galère. Et t'es calde, je suis comme de la S, non, c'est tout. Zulu ne joue pas avec moi. Zulu ne joue pas avec moi. Vous êtes 50, on va tirer dans le tas. Vous êtes 100 000, on va tirer dans le tas. Qui va m'arrêter, qui va m'arrêter, qui va m'arrêter? Quand t'as entendu le prix de la tête, pourtant dehors tu faisais le mec plein. T'as tout claqué, ils vont pointer. Putain mec, j'suis scotché. Putain mec, j'y crois pas. Ces Zulu ne joue pas avec moi. Zulu ne joue pas avec moi. J'suis pas là pour faire la fête. Tous ces mecs veulent ma tête. Tous ces mecs veulent mon chèque. Tous ces mecs veulent me ouet. J'attrape la prod, j'la flingue, j'la jette. Ils connaissent Jared, ils savent. T'inquiète. Planète rap, 100% rap français. C'est le man, c'est le man, c'est le man. On a passé une bonne soirée là. On partage notre soirée avec vous, ça va être en ligne très bientôt. 7-5. On a le mot. Ce que je rappe, je le vis, toi. C'est ce que tu veux vivre. Impact sur la vie, pas. Chez nous ça va vite, j'en vois que c'est chaud vibre. Je suis heureux que quand mon bigo vibre. Bébé c'est tu te baisses pas ça ma pipe. C'est le nain qui parle là ma chérie. J'ai des comptes à régler. T'as ma confiance en moi c'est tes réglo. Livraison de doré, oui. Tout genre de drogue sont le choix du lot. Bon laisse nous faire, mais de quoi tu te mêles? On déboule dans la minute, y'a un truc à faire. FTP gravé sur le pec. Je deviens parano quand je vois que mes poches sont sèches. Donne cash, moi les casse, qu'on est sage, qu'on est sans pitié. Quand on s'aperçoit que notre wallie s'approche. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que t'as, qu'est-ce qui t'effraie mon ami? Dis-moi pas que c'est de mon flow que t'as. Oh j'ai le démon, demande à l'ours. C'est nous, on connaît pas l'amour et la paix. Tout ce que je dénonce, c'est que le kilo te frappe. Moi je le touche au maximum à 2-7. Mon négro c'est comme ça, je mens pas. J'sais pas comme ces rappeurs mythomanes fans, ça mon négro je fit ça. Aga, sans la scoop ma vie c'est rien, plus la cul de sac, puis gamin j'ai le mort. J'pète la forme, j'aime, je nagne le label, c'est Boom Record, j'ai des choses qui tombent bas. J't'assure, faute des beats, j'suis le meilleur, j'l'assume, fils de. J'ai le mort, négro j'ai le mort. J'ai le mort, j'ai le démon. J'ai le mort, négro j'ai le mort. J'ai le mort, j'ai le démon. J'ai le mort, négro j'ai le mort. J'ai le mort, j'ai le démon. J'ai le mort. Le Naï m'a appelé, c'était une bonne idée. On m'a appelé pour les éliminer. On a vécu que pour les allumer. On a vécu que pour les allumer. Tu m'as appelé, c'était une bonne idée. Ne t'en fais pas, je vais les éliminer. On m'a appelé que pour les éliminer. R.I.P. sale balance. R.I.P. sale j'mets, tu connais tes services. Oiseau loup j'annonce t'avance. J'te condamne à perpète, envoie les kilos d'amener. J'oublierai la trahison. J'ai marché en titubant, c'est malheureux. Mais bon y'a pire pour avancer, nous haïssons. J'suis mort au moins une ou deux fois. J'vis au présent, j'étais en chien donc j'ai vendu mon horizon. J'connais bien les animaux, j'ai grandi avec des yinches. J'attends jamais que tu rinces. J'les pars à mon calumet, on est des vrais tosokos. Dans des canons de prince. Tu veux un kilo boy boy. T'as intérêt d'assurer Zoulou, viens avec tes billes. Tu veux nous couiller boy boy. C'est pas fini mon Zoulou pour oublier. Faut que je tire des binettes collées à la rythmique. J'fais coup de tête, j'ai remasterisé Kill Bill. J'suis dépassé, j'ai pas connu la jeunesse ultime. J'étais mineur et j'avais déjà plus envie de vivre. J'casse tête, le 9 mail et Books Delay. J'bastonne la preuve, sort des sons de fêlés. Que des fous dans l'équipe, Zoulou y'a pas de balèze. Fais le con, on est deux, mais on va pas te mêler. Tarif habituel, j'reconnais ceux qui m'aiment. T'en vas en cotorep, sans aucun rituel. J'ai aspiré la bombe. Tracher une ombre, c'est l'honneur ou la tombe. Gaffe à la vie est belle. Tu connais quoi, j'ai arpenté les rues du 9ème. J'ai fait du blé, j'me barre à Montréal ou à Vienne. J'ai passé un niveau, tous ces mythos vont m'envier. J'aurais connu la folie Zoulou quoi qu'il advienne. J'tire encore une fois, j'tue encore un son, j'kill. 19, la zone est hostile. J'suis un animal, bon qu'à taper dans le mille. J'suis à Paris, j'ai pas changé de ville. J'tire encore une fois, j'tue encore un son, j'kill. 19, la zone est hostile. J'suis un animal, bon qu'à taper dans le mille. J'suis à Paris, j'ai pas changé de ville. C'est le mort. Négro c'est le mort, j'ai le mange le démon. C'est le mort. Négro c'est le mort, j'ai le mange le démon. C'est le mort. Négro c'est le mort, j'ai le mort. Négro c'est le mort, c'est le mort, c'est le démon. Le nain m'a appelé, c'était une bonne idée. On m'a appelé pour les éliminer. On a vécu que pour les allumer. On a vécu que pour les allumer. Tu m'as appelé, c'était une bonne idée. Ne t'en fais pas, je vais les éliminer. On a vécu que pour les allumer. Bye bye. J'arrête le night. Ouais ouais ouais. Ok ok ok. C'est la nocturne 100% rap français. J'arrête le nine. Voilà Fred. Où est-ce qu'on trouve ce morceau? Où est-ce alors ce morceau là? Là on est en train de le clipper en fait. Là moi avec mon gars on a fait un bon billet. T'as vu, on a fait un bon billet et là ce soir on va s'amuser. Donc la soirée est pas finie. On va vous quitter. On va pas vous embarquer avec nous, mais nous on va aller faire la fête. Vous allez où? Ah ça je sais pas. Le nine. On petit va mystère, où? Un petit mystère mon vieux. Ok ok. En tout cas voilà, ce sera bientôt en ligne et on filme notre soirée. Donc ce sera vraiment voilà, c'est du live. Là on filme la soirée et la semaine prochaine normalement on vous met ça en ligne et vous verrez le clip et le morceau s'appelle Tout se passe comme prévu. Voilà, ça va, c'est comme ça que ça va s'appeler. Et voilà, on a voulu filmer notre soirée. Et puis vous retrouverez ça alors, bientôt sur, Jarod, sur YouTube. Juste avant de se quitter, ouais. Est-ce que si je vous balance des instrus, ça kick ou pas? Ah bien sûr. Tu nous connais. Alors attends, on y va ou pas? Attends, on va voir si on a du people prêt pour kicker les mecs. Ah papo, faut appeler Sofiane. Ça te plaît ça ou pas? Ouais, ça me plaît bien ça. On reste là. Nocturne, Jarod au Sofiane contrôle dans les Caméléon locaux. Qui craque. Est-ce qu'on peut trouver Sofiane quelque part? Ouais. En attendant, on va commencer sans lui. Ça va? Et tu me dis à n'importe quel moment, je change d'un truc. Y a pas de problème, on fait ça en freestyle. Freestyle. Jarod, le 9 est là. 75, tu connais les by my girl. Tu connais les by my salope. Tcha, ya, ya, ya, ya. Ok. Ramène la G13 de Hollande. Mais où est Charlie? Fuck Hollande. Blanc. C'est la rue Monzoulou, elle est violente. Je suis avec ma bande, je suis avec mon gang, je suis avec mon équipe de Malune. Tu connais la Cosa Nostra, mon Rasta. Nous on se confie qu'aux armes, on s'était mon Rasta. Sur la tête à Mozart, on se fait la resta et on se fait la recette. Si elle en a une, les deux ne riment pas forcément. Blanc. J'ai connu ton père de mandat à la lune, je l'ai foulé avec elle, t'as pigé. Je l'ai fourré avec N, toi tu danses devant. Tu la harcèles au tu lui parles d'avant. Tu la lâches même plus, tu la veux vraiment. Tu lui chantes l'amour, tu lui montres l'argent, putain de nos vies. Elles connaissent toutes nos vies, normal, les bouffons racontent nos vies. Elle va te faire tourner, tourner, foncer dans le remue. Ah ouais mon Zoulou, qu'est-ce qu'elle remue? Touche pas à la taille. Taille, tu crois que c'est la table à ton oncle? Magne, elle fait la vaisselle, elle se casse un nom. Ça, il me reste un litre et c'est de la bombe. Et c'est de la bonne, j'envoie le match, je me réveille au newf. Y'a que les SS qui croient que ouf. Otal, otal, otal, otal. Despedi, leur faut faire l'étal. Otal. Tellement MC veut ce qu'il freestyle. Hein? Ça se passe comment? Moi je sors 10 balles. Tu connais les bails, je fais des housses dans le propre, je fais des housses dans le sale, je perds à toute la nuit. Mon ami c'est Dai, tu voulais me faire taire, les dossiers vont sortir, tu vas changer de vie. Mon ami. Aïe. On sait que tu nous as calculé, tu voulais m'avoir, tu pensais que j'étais mort, je suis revenu, jeune pédé, va te faire enculer. Tu connais les bails, ma gueule, tu connais les bails, ma salope. Tu connais les bails, ma gueule, tu connais les bails, ma salope. Tu connais les bails, ma gueule, tu connais les bails, ma salope. Ok, on envoie autre chose. Moi, je balance au hasard, hein, Jarod. Ok, pareil, nous aussi, c'est en freestyle. On cherche dans la tête et on balance. Et vous me dites, hein. Comment les gars, change. Dédicace à Nervous. La MAH de mots, la prison de mots. Je suis avec vous, les frères, merci. Hein? Bang, bang, 19ème, c'est comment les gars? Ouais. Le rap, c'est vraiment le pressé, le citron. Innocent, j'ai fait un pet avec la vie. J'ai tordu le guidon. J'suis pas prétentieux, mais eux et moi c'est pas la même. Mais dites que t'as mal si tu veux, y'a du gros et des lamelles. On veut plus de thunes que la veille. Tous mains dans les coups déterminés, ça charbonne au réveil. Oh, paix sur ta terre, les frères sont tous dopés. Ça écoute, j'suis pas posé, attention, du dégât gros DSP. Bye, mon pif, j'le fais, j'le demande à son père. J'ai plus envie de finir aux assises avec quelqu'un qui coopère. Hein? Coopère. Quand on dit sous les suceurs, se colloque comme nous sommes d'opère. Pépère, on mène notre train de vie, on t'a dit que c'est une salope, c'est ta faute si tu souffres, Serbie. C'est le 19ème, ma gueule, c'est plus que la Serbie. Pour ceux qui m'écoutent en cellule, tout en passant la Serbie hier. On venait inonder les zones sans se faire rattraper. Et... ah. 775 et 19ème. Dédicace à tout le secteur de Hanout. Dédicace au Hanout. Riquet, à Saint-Denis. Ok, on a autre chose. STG. Dédicace pour Lila, toi, tu nous connais, ouais. Nehal. Yep, ok. Loup. Je vais te lâcher un petit truc. J'ai ça. Yeah. Paris 19 Capital, Despe Delgado. Ok. Ok. Bang. La street fait du sale négro, tu peux pas comprendre. Je suis avec mes rêves, j'envoie en improvisation. Babouné, dealer, négro, c'est du style. Stalingrad, gangster, négro, RQT, négro, négro. Tu peux pas comprendre, je fais du sale. J'avance dans les ténèbres, c'est sale. Les autres, ils parlent moi, mais moi, moi, je les connais pas, UMRO. On prend l'instru, négro, moi, je vais t'expliquer un petit truc. Aïe, du sale vocal. La coque est passée, y'a du bleu qui va rentrer. Les stupes nous traquent, y'a quelqu'un qui a merdé. Raconte pas bobard, j'l'ai vécu au passé. Coup de fil anonyme, c'est pas appel masqué. La route un mec, bien tu fréquentes les lieux cultes. Et le soir tu fréquentes ta spé sur l'allée. Bat à ton ville, c'est pour vesquer la gamme. J'suis plus méchant que ce putain de gargouille. Pas de mariage, y'aura pas de lune de miel. Despédale. J'suis avec mes rayes, je fume de l'air. Bré, bré. J'envoie le micro à toutes mes rayes. Toutes mes rayes. Papo, reprends ça. Aïe de sale vocal. Ok, 19. Mets du sale là, vas-y, mets du sale là. C'est quoi le délire là, frère? Du vrai, du vrai. C'est un jeu, du lourd. Ah, vas-y là. Ok. Ok. Dédicace à. J'ai roulé ma bosse. Oh, frère. Ok, ok, ok. On envoie dessus. Ok, c'est bien ça. Ok. Non, on voit autre chose, on voit autre chose. Ce qui était. T'avais mis un truc bien là. Juste là, Fred. Là, on est en freestyle là, sur Skyrock. Restez branchés. Pas d'amour. Un peu avant. T'avais mis un truc sympa. Lourd ça là. T'avais mis un truc super sympa. Ouais, ça c'était bien ça. Ok. Ouais. Ok, ok, ok. Une dédicace à Lila, toi, Ti. Tu connais les bails, ma gueule. Dédicace à Bousner. On est sur Skyrock, restez branchés. Force. Ocho Gang. 8 heures sous l'ex la rafale, mes amis. Wizzy. 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 avancer à poil dans la neige. Tenir tête au bas monde, leur montrer que tu n'es pas comme eux. Essuyer la haine de ceux qui voient en toi leur ennemi. Il est minuit et demi. Maman va s'inquiéter, sérieux. La ville est belle, tant pis pour maman. J'y apprends la vie, j'y ai trouvé Dieu. Parle-moi des autres, parle-moi de ceux qui t'ont fait regretter. Détester le mensonge au point d'être amoureux de la vérité. L'aimeras-tu si elle se retourne contre toi, mon ami? Je ferai ce que j'ai à faire, mais je voulais quand même avoir ton avis avant. Pourrais-je survivre à l'été ou à toutes vos banalités? Je fais la diff dans mon domaine, c'est qu'une histoire de tonalité. J'ai voulu mourir avant de vouloir vivre, connu la haine avant de connaître l'amour. La chaleur du glaive, la douceur d'une trêve, si ce n'est juste un jour. Ne me recale jamais, ne me recale jamais, tu sais ce que je vaux. Je vais faire la monnaie me fera jamais, je suis de Paname. Gros, tire dessus comme John Wayne. Criminel comme Hurricane Carter, fonce dès à la Baudelaire. Je fous la merde dans votre putain de quart d'heure. Qui ne m'aime pas, qui veut un tête à tête. Je suis Asbin, ne m'appelle pas, va danser avec les stars. J'ai voulu m'en aller avant de couler, mais cette année-là, putain, là-bas, j'ai fini au star. Je suis un ménoman boy boy, je suis le meilleur pour les allumer, les fous, les couches tard. J'illumine la ville, j'illumine la ville. J'alimente la polémique, tu me connais ou pas. Quand j'arrive, c'est nos limites, je peux te sauver. Jarod, Ika voulait mourir. Jeune Eagles of Dead voulait rester danser. Fallait depuis le collège, gang calé sous la ceinture depuis le premier passé. J'ai quitté mon groupe car il aimait pas me voir briller. J'ai quitté ma groupie car elle aimait pas me voir prier. Bleh, bleh. Tu connais les bails, ma gueule. Tu connais les bails, ma salope. Salope, salope, salope. Tu connais les bails, ma gueule. Tu connais les bails, ma salope. Salope, salope. T'as autre chose pour nous, Fred? Non? On voit autre chose? On va voir. Dédicace à tous les auditeurs de Skyrock. Restez branchés, ça on voit, c'est la nocturne. Gassé! Caméléon dans les bacs. Gassé, mon gars, va! Dieu! Makela! Non? Quoi? Ouais, pourquoi pas? Pas mal? Pourquoi pas? Ça dit quoi? Sofiane est là, on l'a trouvé, on l'a trouvé. Un peu light, mais c'est pas grave. Faites pas les KRA, faites pas les KRA. Ken Saint-Denis, c'est Fiane sur le préfet. La crosse est greffée, dis ça maman rêvé. Beubar sur le micro, hijab sur le féfé. J'arrive en nouveau linge, nouveau label touche deep. Tous pi, pour relater les faits. Les frères sont tous vite, crochets d'Apollo Creed. Et d'un coup j'appelle te face, c'est du meilleur effet. Même la Daragone m'appelle Fiane Soman. Hala hala, mandons les mains qu'on gagne. 42 fièvres, les rapaces m'accompagnent. Man, on vise pas le sommet, man, on casse la montagne. Tu veux faire ta place, mais sur la place, on est beaucoup. Clac dans la nuque, y'en a encore des hauts coups. Referme un peu ton huc, j't'explique deux, trois petits trucs. J'te sors l'épée de Luc, la manche est à Goku. Eh ouais, j'gros sac, j'prends toutes les villes du 9-3, moi. J'appelle un frérot Jack, frérot Nunchak, ouais, bourré au Jack. J'te montre l'équipe d'Avenger, t'as chevalier du Zodiac. Fianzo, j'arrête dans les bacs. Avec Fianzo, je suis passé chez So, gros c'est Fianzo. Freguette, qui change sans prévenir mon pote. Bah oui, bah oui. Wesh, Blanc-Ménil, ça dit quoi? Stein, ça dit quoi? Saint-Denis, ça dit quoi? Olnessou, ça dit quoi? Bye, pas, j'ai qui pas. Wesh, Rimko, Médé, Berka, Kala, Nopi, Sogov. Ouais, la Zakir, c'est mort, mon frère. Toujours été au fond de la classe, mauvais élève plus bon de la classe. À la rescue, je te dis ta race. Bah, on reprend. Paris 19 capital, Fianzo, Jarod, V12, Papo. On est tous là, mon ami. Caméléon, Caméléon, dans les bacs, mon ami. Caméléon. Baby, écoute. Vas-y, laisse ça. Ouais, Fred, on va kicker ça. Paris 19 capital, maman, Jarod, Caméléon dans les bacs. Paris 19 capital, toujours été au fond de la classe. Au fond de la classe, mauvais élève, plus nul de la classe. À la récré, je te nique ta race. Moi j'ai que dalle, je suis un chien de la casse. Les sales putes passent à la caisse. Suce-moi dans ma caisse, en 4 je m'en bats les steaks. C'était une grâce des places à Dermagen. Rien à foutre, moi j'suis défoncé. T'inquiète, j'vais pilon défoncé. Première, deuxième, troisième, mon verre, j'ai le temps de le siroter. On va voyager partout dans le globe, ma peau. Dealer, RQT. Bye. RQT. Mais quoi, dealer. Tu connais les bails. Tu connais les bails. Tu connais les bails. Tu connais les bails. T'en as. Tu connais les bails. Tcha. Je suis le meilleur. Ramène toute ton équipe. Je retire dans l'anonymat. Tous mes ennemis le savent. Je suis le meilleur. Dans le 19, y'a l'usine. Tous les allumés nos bacs. On va dégommer les bacs. Fais le plaire. Belle tous. Coup de ringe, les gaines tous. Ils font les shows mais n'assumeront jamais la sentence. Quand y'a Drash, tiens la route comme Nervous. Tu connais les bails, ma gueule. On laisse jamais de faille ma gueule. Sous la roue, dans le bas, tu faisais le Zoulou, mon ami, t'es mort. Tu vas devoir changé de secteur, les balances dansent dans les buckleys. Tu faisais la même chez l'OPJ, ne me serre pas la main, je suis ton ennemi, tu sors une arme, tu nous plagies. Ben oui, j'enlève le compteur, y'a les droits d'auteur. Je suis plus qu'un rappeur, plus qu'un acteur. Ils sucent des pointeurs tant qu'ils voient leur beurre. La mif me rassure, les potes me font peur. J'ai ma arpenté, le passé à la McFly. Ils recherchaient les gens qui m'ont fait du sale. J'ai donné le respect, ils y ont fait une entaille. Rakaille, racaille, c'est des vampires en voie de l'ail. J'tourne la night dans la ville, Bruce Wayne. J'fais une lettre et j'excite tout le game. Ils suent en major et viennent m'en parler, la bouche pleine de sperme. Tu te sens visé Zulu, viens me voir. J'vais t'expliquer qui t'as en face. En face, j'suis jamais en Gucci ou Versace. Faut que j'puisse mettre ma dans la glace. Icar voulait mourir jeune, Eagles of Death voulait rester danser. Voulait depuis le collège, gun calé sous la ceinture depuis le premier passé. J'ai quitté mon groupe car il aimait pas me voir briller. J'ai quitté ma groupie car elle aimait pas me voir prier. Pico, t'inquiète pas, on va tous se les faire. Pas brochette de vin comme des paquets de Malbac. Pour m'en sortir dans la street, j'casse les couilles à personne méfiant, j'esquive la bac. Narchetan, j'me demande pourquoi chez moi ça bécrave à toute patate. Même en grosse bécane, j'bombarde, j'regarde le rétro et ce putain de passé me rattrape. En sortant de la baraque, on rentabilise garçon. J'garde ma salive pour tous mes billets dans la street. Y'a trop de bluffs, trop de bouffons. Si je croise la réussite, j'échecque, je pète le fion. Oui. Dès qu'il y a de la neige qui tombe chez moi, on charbonne avec, on fait pas de ce qu'ils te font. La misère, c'est tout ce qu'ils nous font, Hugo. Donc on n'hésite pas à mettre des patates au vicile pour faire ce qu'il a d'amène. Comme le gars Vastan Ton, Hugo. J'galère à visser sur mon cheval pour avoir mes 500 chevaux. Ils disent qu'ils dorment avec des glocks, mais sur leurs cheveux, y'a que des mégots. Nous c'est que ça c'est chavot, le 19 c'est pas haut. Chez moi j't'en vends pas gros. Envie de faire des folies et mettre de l'eau bouillante sur le visage d'une marteau. J'abatte des boîtes toutes ces grosses putes. Défenseur me marque quand même aidé. Pour percer je passe sous c'est ouvert. Y'a des mecs sur presse d'avancer la tour Eiffel dans le hic. Ouais. S'il te plaît. Comment Fred, santé, tout le monde. Merci à vous. C'est fermé la santé. Bon voilà, on a fait ce qu'on a pu. Merci à vous. Il est 2h du mat, Fred. Non, 1h22, mais on va y aller. Ah, pas encore, mais c'est l'heure de s'ambiancer en tout cas. Oui, merci. Moi je te le dis. En tout cas, merci à tous les gens qui étaient là avec nous. Ouais. V12, Bespé Delgado et Papo. On rappelle que Caméléon est dans les bacs. Et dans les bacs, vous pouvez l'acheter sur iTunes, sur Google Play. Et si vous le voulez en physique avec le super miroir, vous pouvez l'acheter en Fnac, dans les Leclerc et dans les Cultura. Parfait. À cloche, choca, basse-cro. Merci à toi, Jarod. Il est dans les bacs, Jarod et Caméléon. Voilà, merci. Et là, là, on va juste partir avec le 9 et on va filmer notre soirée, la fin de notre soirée. Parfait. Et ce sera en ligne très bien. On vous retrouve où? Où est-ce qu'on suit alors? Vous allez sur ou bien ma chaîne YouTube Jarod Officiel, ou bien la chaîne de le 9, ou bien sur Demolition, la chaîne Demolition. Parfait, parfait. Parce que c'est eux qui vont sortir le truc. Venez à Riquet ou à Stalingrad. Voilà. Il y a un peu là-bas. Merci à vous en tout cas pour cette nocturne. Merci à vous. Merci à toi Fred de nous avoir reçus encore une fois. Comme d'hab. Et puis. Un grand plaisir à chaque fois. À très très bientôt. Pareil, un grand plaisir. Et merci. À très vite. Merci à vous. Un grand merci à Jarod. Bré. Planet Rap 100% Explicit Lyrics. français, planète rap. La nocturne. Pas là pour rigoler, pas là pour rigoler, pas là pour rigoler, pas là pour rigoler. Pas là pour rigoler, monsieur le président. Pas là pour rigoler, Barack Adama. Je ferai ce que j'ai à faire. Pas là pour rigoler. Tous des mortels, personne à mes pieds. Fuck toutes les langues de pute. Ici y'a pas de sous-métier. Oh mon dieu, j'ai l'impression que je vais perdre ma boussole. Souvent je me sens seul, souvent je sens le seum monter et descendre tel un ascenseur. J'aime faire du blé et je sais comment faire. Je ferai des putains de tubes, je m'en tape moi des commentaires. J'ai la dalle, j'ai du talent, je vais balancer du sale toute l'année, mais le verras-tu. Pas là pour rigoler, je vais t'étonner, tu vas miser sur mon talent comme Verratti. Une mif à nourrir, ah, tellement d'estomac. La fin justifie les moyens, t'étonnes pas si le cœur est dans le coma. J'dois payer le chauffage, j'en fais de gros fast, ni même de dopage. J'irai inonder les ondes, je prépare la blackout. Je veux que dans tous les milieux ma voix se propage. Donc, pas là pour rigoler. Pas là pour rigoler, pas là pour rigoler, pas là pour rigoler, pas là pour rigoler, pas là pour rigoler. Je ferai ce que j'ai à faire, pas là pour rigoler. Pas là pour rigoler. Yeah, yeah, yeah. Je vais te forcer à sourire, telle une hôtesse de l'air. La haine me fait du bien, espèce de merde. Je vais être milliardaire, rien à foutre moi des hauts placés. Vos débats j'y comprends hein, comme la bourse ou les mots croisés. Chaque phase de Bavana va valer minimum 10 000. Je veux la première classe Emirates, fuck la place du milieu. On veut grailler le méjoui, personne veut être PSG. Shaitan me chante des comptines, quand je me laisse bercer. L'Afrique s'est fait pouiter, elle s'est fait baiser poliment. Parle pas de fête annuelle d'artifice, nous on veut du zèle, pas des monuments. Je ne pense pas qu'à danser sur un beat cadencé. Je veux plus me pencher, ni même me casser le dos, nettoyer le plancher. Cirer les pompes, ça faut même plus y penser. Donc, pas là pour rigoler. Pas là pour rigoler. Pas là pour rigoler. Pas là pour rigoler. Pas là pour rigoler. Pas là pour rigoler. Je ferai ce que j'ai à faire. Pas là pour rigoler. Pas là pour rigoler. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah. Planète rap, 100% rap français. J'en ai vu de toutes les couleurs, surtout des rouges et des bleus. J'irai faire l'offre, j'avalerai pas leurs couleurs. Faut que les matins pour les 11, préfère rouler ma bain. J'suis marié à la street, la vie est plus belle à deux. TKR m'a dit Nina, y'a R. On de gros, y'a nous et y'a eux. Arrissime comme un négro oscarisé. J'vais les traumatiser, dans la tête, lumière tamisée, j'arrive à viser. Prends mes bracelets gris métallisés, lyrix majeur, public avisé. Est-ce les tapinés, sont au validé, y'a qu'à Disney que les rats sont animés. Tout est noir dans mon calumet, rafale de AK pour l'allumer. One by them, them cat est winana, them cat est winana. One by them, M4, General KLH pour te saluer. J'en ai vu de toutes les couleurs, surtout des rouges et des bleus. J'irai par l'autre, j'avalerai pas leurs couleurs. Faut que les matins pour les 11, préfère rouler ma bain. J'suis marié à la street, la vie est plus belle à deux. TKR m'a dit Nina, y'a R. Monde de gros, y'a nous et y'a eux. J'me sens aimé quand j'ai des ennemis. Quand c'est leur go qui j'ai mis, bien sûr elle crie au génie. Rastafari, je suis béni, j'monte sur Paris, j'prends mes euros. J'suis trop frais, c'est un délit. T'es pas dans le bando, t'es sur le banc comme Balotelli. Ne viens pas dans mon secteur, tu peux y laisser ta peau. Quand ton cul comme un chercheur. Tu repars sans le magot. Yeah. Well, road boy, we are run the place. Ils seront toujours dans le bateau. Tu te demandes encore qui sont les best. Neuf de E General Pro. J'rentre dans le club, j'ai les yeux blancs comme Billy. Laissez passer, saluer le real don. Une, chaque phrase à la patate comme Ellie dans ton belly. J'entends à ta fireball depuis ben de ta femme. Ton amour sur mon accent. Qu'il est vrai, qu'il est fort, qu'il est puissant. Rambo, Conombo, comme cartel que de Gokombo. Dans le tombeau. J'en ai vu de toutes les couleurs, surtout des rouges et des bleus. J'y reparlerai, j'avalerai pas leurs couleurs. Faut que les matins à pour les 11 préfèrent rouler ma bain. J'suis marié à la street. La vie est plus belle à deux. TKR m'a dit Nina, y'a Kounde de gros, y'a nous et y'a eux. Les terminés c'est la routine. Le booking c'est d'aimer. Si je suis blanc, je suis le coquillage sur les vannées. En disant rien, on a te dé. Tu l'as le trou, le bon dos, j'ai te dé. Je l'en mets dans le cul, vite fait à l'arrache. Le savoir est une arme, je tourne les pages de ma calage. J'aime une pute quand elle est nain. Mes victoires sont des chèques, mes échecs sont des chefs-d'œuvre. Chef-d'œuvre, mes victoires sont des chèques, mes échecs sont des chefs-d'œuvre. J'en ai vu de toutes les couleurs, surtout des rouges et des bleus. J'y reparlerai, j'avalerai pas leurs couleurs. Faut que les matins pour les 11 préfèrent rouler ma bain. J'suis marié à la street. La vie est plus belle à deux. Galère ma vie. C'est la nocturne 100% rap français calaché dans les bacs. Dans un instant, on bascule mode classique. Mais juste avant, dédicace au poteau Blackjack, démocrate D dans la nocturne. Et après, session classique, tout peut arriver. Les messages, hashtag Skyrock, hashtag la nocturne. Samy, je t'éclaire ou quoi, gros? C'est bon, je t'assiste. Dédicace aux potos, ils s'appellent comment, les potos? C'est Abdel, Chris, tous les Marseillais sont là, gros. Ouh! Y'a pas que des Parisiens ici. Ça sent Marseille. J'espère que la police va prendre ferme. Jeunesse qui mollit même sa propre mère. Sévère et blessant, y'a plus de père. Ténèbres, cauchemars, bien viscères. Le rap se dégrade et tu le sais. Ils sont tous pourraves, mais très fiers. Un grand arrêt enfoncé dans ta cervelle. En tant que maître de scène, laisse on t'enseigne. On sort idem, tu peux crier d'aime. En tant que frère, tu me fais de la peine. Même ta sœur, tu cherches à la ken. Garde tes nerfs, je vois pas la terre. Je mets un terme à ton putain de son de merde. C'est dans la Mecque que j'écris ces vers. Prison, on est à l'aise, animateur. En tant qu'éducateur, ordinateur. Un mec démonteur, coordinateur. Un être détenteur, amplificateur. Démocrate, exécuteur, un cri de cœur. Revendicateur dans l'indicateur. Sur les disques on devient fournisseur. Impératif clan de connaisseur. Interactif plan de producteur. Un sédatif pour la présenteur. Le monde de l'éléphant raffine dans ce du rap lège. Mon style demeure black, qu'il pleuve, qu'il neige. J'espère en terre-terre, j'ai le cœur qui saigne. Avec trop de force pour que tu coupes mon oxygène. Restons solides et forts, nos deux traits. Qui enterre l'Afrique en oubliant toutes nos terres. Je déterre la peur de son trou de guerre. Un peu nique sa mère face au nouveau western. Pour me sauver de l'envers, agrippe-toi au grillage. Au fer, au barbelé. Pour fuir cette atroce misienne, faut pas s'affoler. Net termine par mes valeurs, je veux décoller. Visons nos rêves sereinement, non sans racoler. J'ai le grand cœur, libre-toi de faire de moi un leader. Espèce d'imposteur, moi je suis un éditeur. J'ai un flot de toaster, de penseur. Contre les oppresseurs, beaucoup plus qu'un boxeur. Je deviens docteur, les juges, les lois condamnent. Non du concret, discriminent au quotidien, les refrains coups de deux traits. Résiste face à la pénitence, donc sois prêt. Donc t'es je te réponds de très près. Regarde l'indécence du système judiciaire. Prénom à témoin tout ce qui s'aime et espère. En l'amour symbolique de rigueur des droits d'honneur. L'histoire des peuples s'écrit d'heure en heure. C'est 13-11-2015, Paris après peur. Direct de l'actu, les exclus, la fracture. Également les jeunes têtus qui rêvent de belles créatures. De Niska, de gradure, de thunes, de grosses voitures. Demande-toi qui suis-je, je réponds, je suis PJ. Démocrate et pointu, qui porte une cassette censure. Un rap contre puriste, unique, bien réaliste. Un plaque coup de jack, même en rêve ou en peinture. De couleur noire ceinture, cette dame ceinture. Les condés sont bondés dans les alentours. Les colis suspects se font exploser en un quart de tour. Mon esprit si souple que mon blues devient double amour. Cela m'inspire, je compose et dose. En toute modestie, je te propose mon los. Rejoins Dem, soutiens notre cause. Sans cette différence qui oppose, expose, pose. Libère-toi des tiennes, je me libère des miennes. Brise les chaînes, stop, direct cette sale rengaine. Opéré de toutes pièces pour nous briser en miettes. L'homme qui nous traite, nous maltraite, viole notre être. Quel désastre pour ceux qui nous écoutent, coûte. Car le manque se fait sentir à la source, source. C'est le message qui prime, quoi qu'il en coûte, coûte. Hardcore qui brille dans mon art, qui m'en voûte, voûte. C'est force manie, c'est de son sang que je coule, coule. Écoute mon balafond qui t'enlace, qui te coupe, coupe. Aussi guerrier que quand t'es zoom, zoom. Qui fait briller toutes les foules, foule, foule. Mon rap bouge, move, grandit et j'en te groove. Mon flow te touche, couche, c'est dit, t'es les kids, it's cool. Oh, t'es les kids, it's cool. Des clips typiques clichés, il suffit de cliquer et de gagner son ticket. De preuve en épreuve, d'échec en échec, de scud dans la sale gueule, du chef sur le chapstall. Deuxième censure de Dem, qu'il nous fasse des gaines, qu'il nous fasse des peines, j'ai le sang pur en gaine. Deuxième censure de Dem, qu'il nous fasse des gaines, qu'il nous fasse des peines. Deuxième censure de Dem. La nocturne 100% rap français à l'instant, le son. Démocrate D, c'est ce qu'on écoutait, la nocturne, une dédicace. Dipoliti. Non mais arrête de parler quand je parle, c'est franchement. Dipoliti. Samy. Non, je m'excuse. C'est... Samy, c'est pas toi, mais qu'est-ce qu'il fait lui? Je lui dis excuse-toi. Je m'excuse. Dipoliti, dédicace à Samy, les potos qui sont là, il y a le jeune Gage qui est totalement homosexualisé. Et moi. Pourquoi tu sens de Marseille en fait? Guapa, on te fait une dédicace. Gizone, qu'est-ce qui se passe? Dédicace à Kevin, 20 ans gros. Gros big up à toi Orléans, tous ceux qui sont à l'écoute. Et ta fiancée, même pas tu dédicaces hein. Et à Julie que j'embrasse fort voilà. Aussi. Et ton poteau même pas. Et au poteau Momo, Momo Neptune, allez suivre sur Facebook, vrai artiste rap. Nocturne, 100% rap français. Qu'est-ce qu'il y a fabuleux là, t'es énervé toi. On veut du son putain. On part sur des classiques ou pas? Allez coup d'envoi des classiques maintenant. Planète rap, 100% rap. Ambiance scandale, danse de vandale, d'un d'où vient la chaleur? DJ, breaker, b-boy, rappeur, beatbox. Ambiance scandale, danse de vandale, d'un d'où vient la chaleur? DJ, breaker, b-boy, rappeur, beatbox. Le thème c'est art de rue, dédié à ce qui pratique et ce qui aime, ce putain d'art de rue. Ce qui danse sur la piste, sur la pierre ou à la séance, ce qui mixe, ce qui parle sur la zik et ce qui tacte sur les fourgons. C'est un mode de vie, une chose qui nous rend sérieux. Un besoin unique, vécu jour et nuit, on désire toujours faire mieux. Vu que la vie n'est qu'un test et que toutes les situations sont complexes, on pense et l'esprit dit fais-le, pense. Tant qu'on respire et qu'on est libre, y'a qu'à oser vieux, savourer l'existence comme on peut. L'essentiel est de faire ce qu'on aime et comme on veut. Morveux, le rap c'est bon quand tu fais ça par amour, mais pas quand y'a beaucoup de trucs en jeu. On s'en rend compte qu'une fois coincé dans le cercle vicieux. C'est un salut aux anges et aux dangereux. C'est un salut aux jeunes de France, de la zone et de l'opéra. Aux anciens qui ont pratiqué l'art de la danse comme 5DA. Ce qui tac sur les trains, les murs crades et là où ça craint. Comme sur les palais et commissariats. Salut à ce qui parle sur de la musique. Ce qui décrive joie, angoisse, haine et amour. Sans méthode précise et sans être alléché par la pas du gain. Mais juste parce qu'ils en éprouvent le besoin. On en a marre de rire. Gloire à l'art de rue, dédié aux gens durs et à tous ceux de ta rue. Le thème c'est art de rue, dédié à ce qu'ils pratiquent et ce qu'ils aiment. Ce putain d'art de rue. Ambiance scandale. Danse de vandale, ça nous vient la chaleur. DJ, breaker, b-boy, graffeur, beatbox. Ambiance scandale, danse de vandale, ça nous vient la chaleur. DJ, breaker, b-boy, graffeur, beatbox. Scandale, vandale.

fasse faire alpaguer. Les dingues, ouais. S'accélère, les morts du désarme, castique leur flingue. Ou ceux qui aiment les virer by night. Quand tu nous croises au volant, celui qui bombarde, c'est Mika et Night. Ceux qui ont pas internet, matent les faits divers de leurs fenêtres. Les mecs pas trop nets, à qui on met les gourmettes qui baissent le patronat. 24 sur 7 envers nous, l'État a des dettes. À tous ceux qui chantent nos hymnes, t'as le chant libre. Et tous ceux comme pseudonyme et qui sentent libre. Eh, hey, laissez passer ma dream team. On se retrouve au mic, c'est peut-être les moments les plus intimes. Fini la routine, y'en a marre d'être les victimes. Parce que l'amour nous a déjà rayés comme le maillot de l'Argentine. Mon rap c'est le capitaine, c'est lui qui porte le brassard. On est là pour faire vibrer les ghettos comme Boissard. Pour les plus durs, pour les plus tendres. Pour ceux qui aiment les gangbangs et se faire masser comme en Thaïlande. Si t'as un bon plan, vas-y mec. Pour ceux qui ont jamais lâché le grec, mon grec. Hey, à part ça, qu'est-ce que je voulais dire? C'est pour le meilleur et pour le pire. Pour ceux qui ont le logo Capri, gros des sons de cuir. Pour les quinfris, pour tous ceux qui ont acheté des points sur les i. C'est pour ceux qui sont partis, c'est pour M.I.C.L.A. C'est les mecs qui veulent, ceux qui trappent pour leurs potes. Ceux qui cherchent le jackpot, ceux qui dans la rue. C'est pour ceux qui souffrent, pour les dos, pour les mettre à tort. Pour tous ceux qui mangent pas tort, pour tous ceux qui tombent dehors. Ça c'est pour les mecs qui plaisantent pas. C'est pas répondre avec toi. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Qui tapent, même quand les plus voix ça marchait dessus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain. Wesh wesh cousin, voir bien quelqu'un. Pour les calouches, les harlouches, les manouches en galouches. Pour même pour sa galoche. Pour les personnes sur qui font des creux sur les murs. Tomber à la gueule. Pour les toilettes, les pirates du bitume. Dans plus petits qu'on s'en côté. Qui boitent pas la fée avec un oeil. Pour en bruit, toujours de voler en bruit. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Qui tapent, même quand les plus voix ça marchait dessus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain. Wesh wesh cousin, va faire quelqu'un. Pour les calouches, les harbouches, les manouches en galouche. Parfois même quand ça caloche. Pour les cas sociaux qui font des fautes sur les murs, qu'ont des lacunes. Pour les toilettes, les pirates du bitume. Pour les chicots sur côté, qui boitent pas la spray. Avec un nez qui se bat en couille, toujours devant pêler aux grouilles. C'est fini pour la nocturne. Non. Si, si. Dédicace à Yovan. Yovan, ma gueule, on est là. On est là, Yovan, pour toi. C'est la spéciale dédicace ce soir. Mais jamais je t'ouvre le micro, toi. Jamais, jamais, jamais. Il est grand temps de rendre l'antenne. Merci à vous tous. Qu'est-ce qu'il y a ou pas ? Non, c'est pas fini. Si, c'est fini. C'est fini pour la nocturne. Merci à vous tous. 12h14. Il est grand temps d'y aller. Merci à Kevin, 20 piges. Gros big up à Orléans, Chloé, Julien, là, tous ceux qui sont à l'écoute. Et voilà, tout le 45, Momo Neptune avec nous ce soir. Et merci à Fredo. Et Kevin, toujours un plaisir de te voir le pote. Ouais, Fredo, t'es le meilleur, oublie pas ça. Qu'est-ce qu'il y a, Guapin ? Non, mais en vrai, c'est pas fini. Si, c'est fini, c'est fini. Dédicace, dédicace. Que pourquoi des cassos. Pourquoi tu rigoles quand tu me regardes ? Que des cassos. Cassos ici. Fab, viens s'il te plaît. Ah, fabulous. Fabulous. Fab, on arrête, fabulous. On arrête. Après, ça peut partir au vrille. Dédicace, le belge. V, Dadou, Rideau, Salam. Rideau, mais t'en es pas parti ou Rideau comment ? Merci au jeune Gage. Dipoliti, qu'est-ce que tu fais toi ? Dipolito, il s'appelle. Ouais, Dipolito, peu importe. Il a la casquette, quoi. C'est donc fini pour la nocturne. C'est donc fini pour la nocturne 100% rap français. Non, c'est fini, c'est fini. Non, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Vos gueules. Merci à vous tous d'avoir suivi la nocturne, c'est fini. Prochaine nocturne dans une semaine. Viens Yovan s'il te plaît parce que j'y arrive pas là. Non. Il y a trop de monde ici, c'est insupportable. Merci à Jarod d'être passé, toute l'équipe, au 9. Ouais, ouais, t'abuses. Yovan, voilà. Yovan. Allez, Yovan, vire tout le monde. Tout le monde dort. Voilà, merci Yovan, merci Oran, merci à vous tous. C'est donc fini pour la nocturne. Fabuleux est au contrôle. Et là, on tire le store. Ciao.